Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, mon métier, c'est avocat, dans le secret du cabinet Seban à Paris. Une série de Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a une autre série qui déroulait le fil de la disparition d'Estelle Mouzin et qui a permis de tisser des liens de confiance entre un documentariste et les personnages qu'il a enregistrés. Et il y a de l'admiration pour l'intelligence en marche et la sympathie immédiate que l'on éprouve pour ceux qui se mettent au service des victimes et décident de les représenter. Et bien entendu, ces images tirées de films et de séries dont on s'est gavé le dimanche soir avec effet de manche, robe noire, robe rouge, et cette fascination qu'on a toujours pour ceux qui ont ce pouvoir de persuader l'autre et de le faire plier avec des mots. Mais peut-être aussi qu'il y a l'envie de pousser les portes d'endroits auxquels on n'a pas accès. Alors pour commencer, les personnages. Un avocat qui s'est fait voler sa robe, un autre qui va plaider, une avocate qui veille au grain, une juriste qui a passé le barreau, des tueurs en série, des marchands de sommeil et des locataires piégés. Ensuite le décor, une réunion, un parquet qui grince, des mètres carrés dans les beaux quartiers, le tribunal de Bobigny, le métro, des convictions, la justice et l'injustice, des boîtes d'archives dans le couloir, des vieilles affaires à résoudre, la ville de Saint-Denis et l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, premier épisode, c'est lundi, la réunion va commencer. Bonjour, ça va? Bonjour. Comme d'habitude, je ne sais pas qui se met à côté de moi. Alors, bonjour. Donc, sur l'activité du cabinet, il y a une nouvelle avocate qui arrive dans le pôle de Corinne et Claire-Marie. Bonjour Marjorie. Ce qu'on me dit pour la partie communication, c'est qu'on met le turbo pour développer les réseaux sociaux et notamment Facebook et Google, comme disent mes enfants. La prochaine formation, ça sera le 16 novembre sur l'actualité du droit social. Sur les dossiers ouverts cette semaine, établissement public. Oui, c'est une résiliation de convention d'occupation précaire. Mairie de Contrix, Michael, Mathieu, j'ai personne du secteur PLE. Oui, c'est un dossier à gardien. S'est fait agresser, menacé de mort. Département de... Mon métier, c'est avocat. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Une longue audience en correctionnel. Question diverses environnement. Contre Madame X, Corinne, c'est quoi? C'est un prud'homme au sens large. On va tenter un départ négocié. Transfert d'activité, habitat spécifique. Son activité d'habitat spécifique à une de ses filiales qui est une copain sur la déféré fonction publique. C'est un déféré du préfet contre... Purge du droit de priorité. Ça, c'est le dossier médiatique de Lorraine. Oui, c'est un collaborateur du maire qui a tenu des propos sur Facebook en relativisant l'acte terroriste. Donc elle a été suspendue de ses fonctions et elle conteste cette suspension. C'est l'occasion de dire combien, dire ce qu'on pense sur les réseaux sociaux, il faut toujours prendre le temps. Et que c'est une faute pour un fonctionnaire. Et Lorraine qui est qu'aussi connaît en faute. Pour un fonctionnaire. En faute de fonctionnaire alors. Voilà. Et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour, voilà. Donc je vous souhaite à tous une belle semaine. Et ce banc, le cabinet, c'est... En gros, la superficie, c'est quoi ici? Le cabinet, c'est 1500 m2. Et donc, c'est un lieu un peu exceptionnel. C'est un immeuble qui a été construit pour, au départ pour qu'on y habite, mais qui n'a jamais été habité, en fait, parce qu'au moment de la fin de sa construction, a eu lieu la guerre 14-18, et on y a installé les bureaux des services secrets. L'armée s'est installée ici. Donc, effectivement, vous n'y avez pas les salles de bain et le confort qu'on pourrait prévoir pour des appartements bourgeois de l'époque. On a même ce qu'on appelle un petit salon marocain, parce que c'était à la mode à l'époque d'avoir le salon marocain. Donc le secret a présidé à ces lieux, en fait. Et continue, puisque ce qui fait le propre de l'avocat, c'est le secret professionnel, ce qui fait que ce qu'on protège comme la prunelle de nos yeux et qui fait qu'on peut se confier à un avocat, c'est le secret. Vous avez le sens de la décision ? Ouais. Confirmation sur tout ? Génial. Super. Le papa et la maman, ils étaient comment ? C'est pas une victoire, c'est un triomphe, c'est super. Bravo. Bon. Génial. Ouais, il n'y a pas de prononcé de peine, donc du coup, il est un peu surpris, ouais. D'accord. Bon. Oui, j'ai vu qu'on avait ce dossier-là qui arrivait, ouais. C'est moi qui plaide, ça, ou pas, d'ailleurs ? Oui, c'est... Ouais. Oui, oui, c'était moi qui avais plaidé au départ, ouais. Merci. Au revoir. On est bien au cœur de la problématique d'un cabinet d'avocat. Confidentialité. Le secret est au cœur de votre métier. Et donc, on ne peut pas vous enregistrer en train de converser les uns avec les autres. C'est ça que vous expliquez, Mathieu Hénon. Un échange entre avocats au sujet d'un dossier est couvert par le secret professionnel. Donc voilà, maintenant, il est évident que dans un cabinet comme le nôtre, on passe notre temps à parler de dossiers. On passe notre temps à échanger, parce que l'important, c'est d'avoir, de mélanger les opinions de chacun. Par exemple, pour la défense d'un de nos clients qui va nous occuper devant la cour d'assises la semaine prochaine, on travaille avec Sonia, donc on a deux points de vue différents sur une défense. Et puis après, on va chercher des avis différents. On va chercher éventuellement l'avis de Didier Seban, qui a un autre regard sur le dossier, ou qui va nous donner un avis, une opinion, quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé. Donc en fait, le métier d'avocat, il est fait de ça, tout le temps, des échanges. N'est-ce pas, Didier Seban ? Bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas ça. On vient de passer la rotonde, qui est un lieu à la fois splendide, le carrefour du cabinet par où tous les avocats passent, par où toutes les personnes qu'on accueille passent pour être accueillies d'abord et puis ensuite pour être orientées dans le cabinet. C'est un lieu un peu magique, avec un parquet tout à fait travaillé et une rotonde sculptée qui donne cette idée qu'on est dans un lieu à la fois qui en impose, mais ça n'est pas forcément l'objectif, mais qui peut aussi dialoguer avec les instances de la République, de la justice, dans un rapport d'égalité. C'est ce qui compte aussi d'être dans une structure importante, c'est que pour pouvoir quelquefois secouer le cocotier ou dire non, il faut aussi avoir une puissance de feu. En tout cas, c'est comme ça qu'on vit ce cabinet. Combien d'avocats ici ? On est 70 avocats, on est près de 100 personnes à travailler au cabinet. Jetons un œil par la fenêtre, Didier Seban. En face, c'est quoi ? L'Assemblée nationale. C'est malgré tout là où se fait la loi, où tout commence. Finalement, on va chercher le travail des avocats, c'est de travailler à partir des textes et d'essayer de les interpréter, de convaincre le juge qu'il faut les interpréter en faveur de leurs clients. Donc c'est là que se conçoit finalement ce que les juges sont censés appliquer, c'est-à-dire la loi. Et Didier Seban, imaginons qu'un député regarde vers vous, il verrait qui ? Un député qui regarderait vers moi, bah, il verrait un avocat qui s'intéresse beaucoup à la chose publique, qui considère que, au fond, l'intérêt public, l'intérêt collectif est souvent plus passionnant que l'intérêt privé. C'est-à-dire que tous les combats qu'on mène, judiciaires et autres, il faut les interpréter au regard aussi des enjeux sociétaux. Mes maîtres m'avaient toujours appris que le droit, c'est aussi une question de rapport de force, une question d'évolution de la chose publique, et donc on ne peut pas le voir seulement, évidemment chacun le voit à partir de sa situation individuelle, mais on le voit comme, pour bien comprendre un texte et puis l'utiliser en faveur de ses clients, il faut comprendre sa genèse, pourquoi il a été mis en place et quels intérêts il était censé protéger. Est-ce que, vous l'avez dit un tout petit peu en donnant la superficie de ce cabinet, le vôtre, le nombre de personnes qui y travaillent, on est dans un lieu de pouvoir ? Bah forcément, on est dans un lieu de pouvoir, puisque d'abord je suis le gérant de ce cabinet, donc on peut pas, même si les avocats sont libéraux, qu'ils ont leur clause de conscience, qu'ils peuvent me dire non, évidemment s'ils ne sont pas d'accord sur une stratégie de défense ou sur le fait qu'on défende telle ou telle personne, on défend forcément des pouvoirs, puisque notre métier c'est beaucoup de défendre l'intérêt public, et donc on est avocat de personnes publiques, de collectivités, d'établissements publics, quelquefois même de l'État. Forcément, on peut pas dire qu'on est hors du pouvoir. Est-ce que vous êtes aussi un contre-pouvoir ? Moi, je crois vraiment que ça, c'est le rôle fondateur de l'avocat, d'être un contre-pouvoir parce que il va avoir une parole libre, parce que il va mettre un grain de sable dans un système, parce que il va contester une décision, parce que, au fond, au nom de l'intérêt qu'il va défendre, il va essayer de mettre à mal le système qu'on lui annonce comme immuable. Je pense souvent à cette citation de Mark Twain qui est de dire ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était interdit. Donc, à nous de trouver, pour nos clients qui cherchent, qui portent des projets, la manière de le réaliser, évidemment, pas contre la loi, mais en utilisant celle-ci. Oui, je suis en train de te faire le mail, attends. C'est ton voisin. Merci. Bonjour. Vous êtes monsieur ? Mathieu Hénon, vous êtes avocat associé au cabinet Seban. C'est ça. Dans votre bureau, une lithographie Count-Basie Stan Getz, derrière vous Vertigo et à côté À bout de souffle, qu'est-ce que ça raconte de votre métier ? Ça raconte des petites choses sur moi, c'est-à-dire que je suis un passionné de musique, donc forcément je ne peux pas travailler dans un environnement où il n'y a pas un peu de musique quelque part. Et puis je suis passionné de Cinoche aussi, donc c'est pour ça que c'est présent aussi dans mon environnement de travail. À la réunion d'Ajada, on entendait beaucoup la multiplication des noms des acteurs publics, des municipalités. Vous faites quoi ? Je suis au cabinet depuis 10 ans, mais je suis associé depuis 2012. Alors le cabinet, effectivement, se travaille beaucoup avec les personnes publiques. Nous, au cabinet, l'équipe de droit pénal s'occupe de les défendre quand leur responsabilité est engagée devant les tribunaux correctionnels, ou quand ils sont victimes d'infractions pénales et qui se constituent partie civile devant un tribunal. Voilà. Comment est-ce que, après un certain nombre d'années dans le cabinet, vous êtes devenu associé ? Donc vous avez monté en grade, on pourrait dire. Bah, c'est ce qui se passe dans tous les cabinets d'avocats à Paris. Un cabinet d'avocats, ça regroupe plein d'avocats qui travaillent ensemble, un travail en commun auprès d'une clientèle commune. Mais parmi ces avocats, il y a certains qui sont associés, c'est-à-dire qui sont propriétaires du cabinet, en réalité, de la pratique du cabinet, et qui vont travailler à son développement, vont définir la stratégie. Un cabinet d'avocats, c'est comme une entreprise, hein, ça fonctionne exactement de la même manière. Trouver des clients, travailler dans l'intérêt de nos clients, faire en sorte qu'ils soient satisfaits, qu'ils reviennent, qu'ils parlent de leur avocat autour d'eux pour qu'on puisse développer nos activités. Et puis à côté de ça, il y a évidemment le cœur de notre métier, celui de la défense, en tout cas pour moi de la défense pénale. Donc c'est à la fois une journée d'avocat, c'est à la fois gérer tous les problèmes le matin qui ont pu arriver depuis hier. C'est faire un recrutement comme je l'ai fait ce matin en recevant une candidate qui souhaiterait travailler au cabinet. Et puis en même temps, c'est préparer un dossier, c'est filer en audience. D'ailleurs, il va pas falloir qu'on tarde trop. Et faire un dernier briefing avec les clients avant l'audience, plaider le dossier, revenir et retravailler sur le dossier suivant. C'est à la fois un lien de proximité avec des clients qui vous confient leur avenir, qui vous confient leur situation, leurs problèmes, et en même temps aussi avoir une vie de manager, manager des équipes, faire en sorte que tout le monde soit heureux de travailler ensemble et envie de ramer dans le même sens, quoi. Oui, on y va, c'était pas une fausse alerte, vous pourriez prévenir sur les trucs comme ça, parce que moi j'ai envie de rire en fait. Vous avez envie de rire, Marlène Jouvier. J'ai envie de rire. Donc là, on est à 2 heures d'une audience et vous êtes complètement détendu. Revenez là. Comment est-ce que vous êtes partagé le travail entre Mathieu Hénon et vous sur ce dossier ? C'est simple, j'ai tout fait. C'est ça. Moi, j'ai fait le travail surtout d'analyse du dossier, rédaction des conclusions. Et du coup, comment vous ajustez vos voix et comment vous, peut-être soprano et lui ténor, vous faites pour vous dire c'est à toi, c'est à moi, pas que les voix s'entrecroisent et que ça soit une même voix finalement. Il s'agit pas non plus de faire doublon, donc on se partage les plaidoiries quand c'est justifié. Par exemple, si on intervient pour deux parties mais qui sont très proches, c'est-à-dire par exemple quand on défend les intérêts des enfants mais également de leurs parents, il peut y avoir une certaine logique. Est-ce que Mathieu plaide par exemple pour les enfants et puis moi je porte la voix des parents dans un dossier, mais dans un dossier de ce type, ça se justifie un petit peu moins. Pas et forcément. Physiquement, qu'est-ce que ça veut dire de porter la voix, de prêter sa voix pour quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est une épreuve ? Est-ce que vous sortez fatigué ? Épuisé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Souvent, à l'issue d'une audience, quand on a plaidé, on se sent épuisé, vidé. Ah, moi, j'ai un rituel, c'est que quand je suis à une audience ou quand ça dure longtemps, il faut que je marche dans la ville tous les soirs une heure. J'ai besoin de marcher. Marcher, c'est ce qui me vide, me permet de repenser à l'audience, me permet de préparer la future audience. Donc, des fois, je suis un peu le seul à marcher. Quand je marche à Auxerre une heure la nuit ou à Chalon-sur-Saône, on doit se demander qu'est-ce que c'est que ce personnage qui arpente les rues de la ville, mais j'ai besoin de marcher. Ça veut dire quoi ? Il y a trop de voix, trop de fantômes autour de vous ? Il y a un besoin de se ressourcer, de repenser à ce qui s'est passé, de refaire l'audience du lendemain, de prendre de la hauteur si tant est qu'on puisse par rapport à l'affaire qu'on défend, de se dire mais comment les jurés, les juges ont pris tel événement, telle situation, comment je peux rattraper une erreur que j'ai faite, comment je peux convaincre mon client de dire autre chose, comment voilà, on a besoin de se ressourcer, enfin moi en tout cas c'est un besoin que j'ai. Donc mon rituel c'est marcher quoi qu'il arrive après l'audience. Et avant ? Peu d'angoisse, mais encore une fois, ça dépend aussi des dossiers. Quand on est sur un dossier très technique ou un dossier où, au contraire, il y a beaucoup, beaucoup d'humanité, quand il y a beaucoup de souffrance, forcément, l'angoisse est très différente. Mais on n'est pas non plus, on ne vomit pas toutes les audiences non plus, hein, rassure. Mais qu'est-ce que vous cherchez, en fait, dans la répétition de cette façon d'aller dans une cour, d'attendre, de vous dresser, de... C'est quoi le moment que vous chérissez d'être avocate ? Je sais pas, sûrement la satisfaction des clients, plus que le moment où on se lève et où on plaide, même si c'est un moment important. L'audience, c'est un tout. Donc c'est pas non plus je me lève, je plaide, je me rassois et c'est terminé. C'est un tout. Il y a le avant, il y a le pendant, il y a le après. Donc un moment phare, c'est quand on a l'impression d'avoir donné pleinement satisfaction à ses clients à l'issue de l'audience et qu'on n'a pas de regrets. Là, dans votre main, vous avez roulé en boule quoi, là ? Ma robe. C'est un peu une armure pour l'audience. Marlène, le dossier est prêt ? Prête, oui, le dossier est prêt. Ce qu'il faut, les conclusions, tout ça ? Oui, on a tout, on peut y aller. Là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a un dossier cet après-midi, en début d'après-midi à Bobigny, concernant des problèmes d'habitat indigne, en fait, ce qu'on appelle plus communément les marchands de sommeil. Dans ce dossier-là, nous, on défend la ville de Saint-Denis, qui est une ville qui est particulièrement exposée à ce type de problème et qui, donc, est engagée pour lutter contre ces conditions d'hébergement indigne dans lesquelles sont réduites certaines populations. On va voir nos clients qui sont les services de la ville en charge des problématiques de salubrité. Et puis, parce que c'est important, parce que la question des marchands de sommeil n'est pas qu'une question qui concerne la municipalité, mais aussi les habitants, les personnes qui sont logées dans ces conditions-là, on va essayer d'en rencontrer quelques-unes avant l'audience, pour préparer un petit peu les choses. Et je ne sais pas ce que ça va donner cet après-midi. Et Ganesh ? Est-ce que vous faites une invocation à Ganesh avant de partir dans ce voyage judiciaire ? Alors, il y a deux choses. Il y a Ganesh et il y a Denis Diderot. Alors, je ne sais pas si ce sont les deux saints patrons. En passant, effectivement, on n'a jamais trop de sagesse en soi. Je vais quand même toucher la tête du Ganesh. Diderot, je ne sais pas. J'espère qu'il pourra influer ma plaidoirie. On verra. Derrière ces portes closes, numérotées, des avocats qui travaillent pas forcément par secteur d'activité. On a tenu à mélanger les avocats. Donc, par exemple, dans le bureau qu'il y a là, il y a une avocate qui est spécialiste en urbanisme, donc comment on construit la ville et les règles qui s'appliquent à celle-ci. Un avocat qui est spécialiste en droit de l'énergie. Et puis, une troisième avocate qui est spécialiste plutôt en droit de la famille, en droit privé, en droit des baux d'habitation et qui donc va accompagner des gens dans leur vie quotidienne. Donc, trois avocats, par exemple, dans ce bureau. Voilà, il y a le bureau de Corinne, qui est un bureau qui parle de son combat, de ses combats, de nos combats, qui est un bureau plein de cartes, de photos de victimes, d'enfants disparus, qui est un bureau un peu exceptionnel, qui résume le combat qu'on mène, qui est un des combats du cabinet. We are going to the Queen of Cold Case. D'accord. Ouais, envoie-moi un texto, c'est plus personnel. J'ai du monde dans mon bureau. Bon, c'était ce qu'il fallait pas faire. Bonjour, ça va? Oui. Bon. Corinne Herman, vous faites quoi en ce moment? Donc, je suis en train de rédiger une demande indemnitaire pour des victimes des attentats du 13 novembre, en particulier qui se trouvaient dans la salle du Bataclan, dans la fosse du Bataclan. Et donc, pour cette demande, il faut qu'on se plonge dans les faits, en tout cas dans leurs ressentis, pour expliquer au fond de garantie à quel point ça a pu être traumatisant pour eux et pour pouvoir fixer des indemnisations qui sont à la hauteur des faits. Corinne Herman est pendue à côté des dossiers votre robe d'avocate, mais ça fait depuis 2001 que vous êtes au cabinet Seban, mais vous n'êtes pas avocate depuis 2001. Alors, racontez-moi d'abord ce que vous faisiez et puis pourquoi vous êtes devenue avocate. Ah, c'est une longue histoire. Je travaillais précédemment dans un autre cabinet d'avocats comme juriste. Ça devait être qu'un passage dans ma vie, mais il se trouve que les dossiers m'ont pris et m'ont emmené là où ils ont bien voulu. Et notamment le dossier des disparus de Lyon, qui finalement m'a amené à devenir juriste dans le cabinet de Didier Seban. Il m'a recruté pour les victimes, pour travailler les victimes, mais pour ce dossier principalement. Et ensuite, effectivement, ce dossier nous a amené d'autres dossiers de victimes, qui étaient des dossiers également extrêmement lourds, qu'on voulait travailler ensemble. Donc on a continué, j'ai continué très longtemps comme juriste. Et puis à un moment donné, la vraie histoire, c'est que les juges ont commencé à nous connaître bien, à connaître nos tours, notre façon de prendre les choses, notre façon de travailler. Et ils ont décidé que je ne pouvais plus rentrer dans leur bureau, je ne pouvais plus assister aux autopsies, je ne pouvais plus assister à certaines parties de la procédure. Comme j'étais juriste, c'était un bon moyen pour me mettre en jeu, pour me sortir du jeu vraiment et du jeu de ces instructions. Et donc il a été nécessaire que je devienne avocate pour qu'on ne puisse plus m'empêcher d'avoir accès aux procédures, aux magistrats et m'empêcher de travailler. C'était pas mon objectif de devenir avocate. Quand je suis sortie de la faculté de droit, c'était pas du tout ma trajectoire. C'était même quelque chose que je rejetais vraiment. J'ai tenu un certain nombre d'années à travailler dans des cabinets d'avocats en étant juriste. Ça me donnait d'une part une liberté d'un côté, mais c'était sûrement encore une résistance par rapport à ce métier que j'avais pas choisi. Mais voilà, c'est le métier qui m'a choisi et pas l'inverse. Marlène Jouvier, on est en train de sortir du cabinet Seban. Est-ce que vous vous rappelez le premier jour où vous y êtes rentrée? Oui, je me rappelle très bien du premier jour que je suis entrée. Mais le premier jour où je suis entrée, c'était surtout pour rencontrer Mathieu Hénon pour passer le traditionnel entretien d'embauche. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je suis venue la première fois dans ce cabinet que je connaissais de réputation. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'y travaille encore un an et demi plus tard. C'est ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on n'est jamais seul sur nos dossiers. On travaille en équipe, on échange énormément. Et du coup, on progresse, on apprend, on s'améliore tous les jours. Et voilà, oui, je m'en souviens encore très bien. C'était février 2016, exactement. Et quand vous sortez du cabinet Seban, Marlène Joubier, vous dites, je suis dans un quartier où se décident des choses, et quand je dis Marlène Joubier, cabinet Seban, il y a la puissance du cabinet derrière moi. Oui, il y a la puissance du cabinet derrière. On est un cabinet très important connue sur la place publique. Donc oui, il y a la puissance du cabinet derrière, toujours. Et par rapport à l'Assemblée nationale, c'est vrai que le lieu est assez particulier. Alors je vous avouerai que je le vois souvent assez tard le soir quand je rentre et je prends souvent le pont de la Concorde justement pour passer à cet endroit. Et je me dis aussi qu'on a la chance de travailler dans un endroit aussi beau et dans la plus belle ville du monde. Et je crois que je me le dis à peu près tous les soirs. Donc je sais que c'est une chance, oui, d'être là et dans ce quartier. Mais vous, une fois par mois, on pourrait dire vous courez vers le palais de justice, mais pour faire quoi ? Alors, je cours vers le palais de justice pour faire ma petite permanence comparution immédiate. Alors, la comparution immédiate, c'est les gens qui sont jugés immédiatement après la garde à vue, c'est-à-dire qui sont déférés à l'issue de leur garde à vue. Donc, je les rencontre au palais dans des situations assez délicates pour la plupart, parce que la plupart sortent de 24 heures ou 48 heures de garde à vue, donc ils sont extrêmement fatigués, extrêmement angoissés. Et là, c'est effectivement le sprint de la journée qui commence, puisque c'est pas rare d'avoir 4-5 dossiers à défendre sur une journée. Donc on voit les clients les uns après les autres. Il faut prendre connaissance du dossier, les voir espèce d'une heure et demie, deux heures, on va dire, pour être prêt à plaider en début d'audience à 14h à la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris. On ne connaît pas la personne, on la rencontre finalement assez rapidement et on doit cerner un peu qui est cette personne, la préparer, l'assister, connaître son dossier, soulever les faiblesses du dossier. Donc c'est un peu la course et c'est un vrai engagement pour le coup qui me tient à cœur. Assemblée nationale. Et on va ? On va à Bovigny. Donc arrêtons-nous à Pigalle, on fait un changement, la 2 à Pigalle, puis Stalingrad la 5. Est-ce que les tribunaux ont des réputations ? Et si oui, quelle est celle de Bobigny ? Bobigny a la réputation d'être un tribunal un peu débordé. Voilà, c'est un tribunal, les activités pénales du tribunal correctionnel sont extrêmement importantes, il fait partie des plus gros tribunaux de France. Et ils sont assez débordés. C'est ça le principal problème. Moi, je me demande si on ferait pas mieux de prendre le RER, mes chers Marlène, je vous le dis. Moi, je pense pas. Si Marlène ne pense pas, on va faire comme dit Marlène. C'est moi qui porte le sac. Pourquoi avocat ? Ah, pourquoi avocat ? Alors ça, c'est une question intime. Ce qui me séduisait dans le droit, c'était le fait que c'était un savoir qu'il fallait acquérir et qu'une fois qu'il était acquis, on pouvait exercer et gagner sa vie à partir de ce savoir-là. Je trouvais que c'était un truc assez... Il y a un côté artisan qui me plaisait énormément. Et puis après, la matière me plaît parce qu'elle est faite, elle est à la fois littéraire et à la fois scientifique par certains aspects, puisqu'elle est faite de logique, de raisonnement, etc. Donc c'était une matière qui me plaisait, dans laquelle je me suis tout de suite senti à l'aise. Et voilà, j'ai assez vite compris que c'était ma voie. J'ai toujours voulu être avocat. J'ai aucun avocat dans ma famille. Mais je pense que l'idée de... C'est un peu impulsif, mais l'idée de défendre les gens, d'être du côté de celui qu'on accuse, ou de celui qui doit faire entendre sa voix, en tout cas, qui n'est pas toujours écouté, c'est ce qui me plaisait. C'est pour ça que je suis devenu avocat. Et puis après, le droit pénal m'a particulièrement attiré parce qu'on est dans le paroxysme, en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où une personne vient vous voir et vous appelle à l'aide. Donc c'est un cri au secours qui est émouvant et qui donne envie de se lever et de se battre. Donc moi, c'est toujours pour ça que j'ai choisi cette spécialité. Et puis aussi parce que le métier d'avocat, et le droit pénal en particulier, c'est ce qui aussi vous offre la possibilité de faire plein d'échanges, plein de rencontres différentes. Avec des personnes qui sont mises en cause, avec des personnes qui sont victimes, avec des magistrats, avec des services de police, des journalistes, avec plein de gens différents. Et c'était comme ça que je voyais mon avenir professionnel, et c'est ce que je vis aujourd'hui, donc je suis très heureux. Bobigny, Pablo Picasso. Terminus, nouveaux habitants en Le cliché de l'avocat, c'est la défense de la veuve et de l'orphelin, donc de la victime. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de défendre le méchant ? Ah oui, ça nous arrive. Le métier de l'avocat, c'est à la fois d'être du côté de la victime et du côté des accusés ou des prévenus. Ça fait partie du métier. Donc oui, ça m'arrive à peu près aussi souvent d'être du mauvais côté que du bon. Qu'est-ce que vous préférez, vous ? L'important, c'est de porter une voix, de porter une cause. Elle peut être portée des deux côtés de la barre. Est-ce que l'ego de l'avocat, ça joue aussi ? Est-ce que un bon dossier, on pourrait dire d'une bonne crapule, ça fait du bien à la carrière ? Ben, y a certains dossiers, certaines procédures qui sont des accélérateurs de carrière ou de notoriété, évidemment. Plus la cause est difficile à défendre, plus l'avocat se sent un rôle un peu crucial dans la défense. Mathieu Hénon, est-ce que vous auriez pu être juge ? Alors, à titre très personnel, non, j'aurais pas pu être juge. Comme avocat, je me dis que l'acte de juger est un acte très important. Évidemment, pour pratiquer les juridictions, pour moi, l'acte de juger a vraiment un sens. Et je suis pas certain que je m'en serais senti capable. Non, j'aurais pas pu être juge. Moi, mon métier, c'est avocat. Louis Darman, est-ce que vous êtes avocate pour porter uniquement la voix des victimes ? Alors, j'ai pris la robe pour parler pour les victimes. J'ai pris la robe pour continuer à les défendre. C'est devenu mon combat, vraiment. J'ai assisté à une audience, comme nos stagiaires assistent aux audiences, comme on emmène des jeunes stagiaires. Je pense que ça peut être aussi déterminant dans leur carrière. Et c'est la rencontre avec Francis Saulme et la rencontre avec la justice, hein, la justice, les assises, qui sont quelque chose de particulier, qui ont fait que j'ai essayé de comprendre un petit peu mieux ce monde, que j'ai essayé de le découvrir. Je le rejetais et donc il fallait que je comprenne. J'ai pas pour habitude d'essayer de comprendre les choses. Et puis surtout ce type de tueurs qui amènent dans leur trajectoire, qui embarquent dans leur trajectoire, non seulement la victime principale qui était celle qu'ils ont tuée, mais des complices qui n'avaient rien demandé non plus, qui vont se retrouver complices de meurtre et qui eux aussi vont avoir leur vie, sont aussi quelque part victimes de Francis Saulme. Et donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai voulu aller voir un petit peu plus loin. Sont arrivées les familles des disparus de Lyon, avec cette sensation qu'on avait un tueur en série dehors, à l'époque, et qu'on pouvait pas détourner les yeux, que, voilà, qu'il fallait le faire. Et donc là, je vais prendre des cours, effectivement, essayer de comprendre ce phénomène des tueurs en série, leur psychologie, leur façon de se comporter. Mais c'est pas leur âme noire qui m'intéresse. On est fasciné 5 minutes quand on est réaliste, on est fasciné 5 minutes par ces tueurs. Ce qui me fascinait plus, c'était le dysfonctionnement de la justice autour de ces personnes-là. C'est-à-dire, comment ces personnes pouvaient nous échapper et comment elles pouvaient tuer de façon multiple sans qu'on puisse intercepter leur route. Et puis, on découvre tous ces dysfonctionnements autour de ces personnes qu'on comprend pas. Et toute cette fascination qu'il y avait, que je rejetais plutôt. Donc, je vais essayer d'aller voir un peu plus loin. Et je me dis que Émile Louis, c'est un tueur en série à l'époque et qu'il faut absolument intercepter sa route. Et c'est à cause de lui que je continue aujourd'hui parce que ça a duré quelques années pour le faire tomber, ça a duré quelques années ensuite pour le juger bien. Et donc voilà, donc du coup je suis toujours là. On est devant l'entrée du tribunal. Oui. Et vous attendez. Et on va attendre nos clientes. Je ne sais pas si elles sont déjà rentrées. On va essayer de les retrouver. Vous Bonjour, ça va bien ? Vous avez oublié votre téléphone apparemment ? J'ai oublié mon téléphone, c'est ça, et Marlène a eu la gentillesse d'aller le chercher parce qu'on était en. Ah d'accord. Bon, elle arrive dans 10 minutes. C'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Bon, ça va bien ? Oui, impeccable. Qu'est-ce que vous faites exactement à la ville de Saint-Denis ? Moi, je suis juriste droit de l'urbanisme. Mais j'ai commencé pas mal à faire de, au début à faire de l'habitat indigne. Ça s'est pas organisé tout de suite de manière très formelle à la mairie de Saint-Denis. Puis là, on a vraiment pris le pli depuis une dizaine d'années. On est organisé pour lutter contre les marchands de sommeil, vraiment quoi. Alors, quel est, pourquoi vous avez fait appel au cabinet Seban ? Ça. Non, c'est un gros cabinet qui a vraiment une spécialisation droit public, collectivité. Et nous, c'est vrai que c'est des problématiques très spécifiques aux collectivités territoriales, entre autres, mais à d'autres administrations certainement. Puis c'est un cabinet qui est très structuré, puis qui a une organisation. À la fois urbanisme, à la fois du pénal. Donc, ça se recoupe et c'est important d'avoir l'ensemble des aspects d'un dossier. Il y a du fiscal, du droit des sociétés, il y a tout ça qui intervient dans ce type de dossier. Elsa Lopez, il est 12h30. Dans une demi-heure, l'audience s'ouvre. Quelles sont vos attentes ? Alors déjà, première chose, j'espère qu'il ne va pas y avoir un report. Voilà, là j'espère surtout que les victimes vont être présentes, ce qui est toujours le plus compliqué. Donc là aujourd'hui, normalement on a deux personnes qui ont accepté d'être présentes, dont une dont la fille m'a dit hier qu'elle avait beaucoup hésité parce qu'elle avait peur de son propriétaire. Et puis j'attends une condamnation digne de ce nom pour ce dossier qui est quand même un dossier... très important, où il y a énormément d'infractions, qui a duré plusieurs années, où il y a beaucoup de gens concernés, enfin voilà. Un locataire ? Oui, oui. Qui va se constituer partie civile ? Vous allez demander des dommages et intérêts, vous allez vous constituer partie civile ? Les papiers ? Hablas espagnol, non ? Si, un poquito, sí, dime. Si van a constituir partie civile ? Bonjour. D'accord. D'accord. Monsieur et madame également sont des occupants depuis combien de temps vous habitez l'immeuble ? Depuis 2013. Depuis 2013 ? Ouais. Voilà. Moi, 2015. 2015, ouais. Vous ? J'ai mené le contrat ici, là. Vous avez votre contrat de location ? Oui, vous avez habité dans deux logements différents. Et aujourd'hui, le propriétaire vous a fait des propositions de... Non, je vous voyais seulement ça. Pour logement, ouais. Non, j'ai envoyé ça. Oui, je les ai reçus apparemment. Où il prend des annonces sur des sites d'agences immobilières par internet et puis ça suffit quoi. Comme ça, il estime qu'il est délié de ses obligations de relogement à votre égard. De toute façon, elles sont postérieures à la période de prévention. Donc ça ne changera rien, mais. Ok. Vous avez un contrat de travail ? Oui, je n'en touche parce que j'ai une nationalité espagnole ici. C'est qui votre patron ? Je travaille avec un trim. Nous, on vit, c'est très dangereux. Vous avez habité en colocation dans un appartement qui était à moitié enterré ? Vraiment, il y a beaucoup d'humanité. Vous savez comment ça va se passer, l'audience ? Il y aura quelqu'un, normalement, qui parle espagnol et français. Donc vous pourrez parler en espagnol, tranquillement. Voilà. Ce que veut savoir le tribunal, c'est ce que vous avez vécu. Comment on vit dans cet appartement. Okay. Il ne faut pas avoir peur. Bonjour. Vos parents parlent un peu français ou non, pas du tout ? Pas du tout. Bon. Je ne suis pas leur avocat, donc je ne pourrais pas plaider pour eux. Mais ils ont le droit de demander, s'ils veulent, l'indemnisation d'un préjudice. Ils peuvent le faire. D'accord ? Et le tribunal va leur demander. D'accord. D'accord. D'accord. Mais le propriétaire de ces personnes est là aussi. Ouais. Et discuter avec elle avant votre arrivée. Ouais. Donc leur fait mettre une petite pression peut-être. C'est possible. C'est possible. Bonjour. on passe dans les grands couloirs où il y a beaucoup de livres. C'est l'histoire de la profession, c'est l'idée que la justice dure depuis plusieurs centaines d'années, que sa jurisprudence nous fonde. Malgré tout, les avocats travaillent de moins en moins dans les livres et sont de plus en plus sur le net, sur des bases documentaires numériques. Et pourtant, devant nous, des cartons d'archives numérotés. Oui, parce que le cabinet ouvre plus de 2000 dossiers par an, que ces 2000 dossiers, ils ont leur vie. Certains durent 10 ans, d'autres durent 6 mois. Et que à chaque fois, il y a une histoire. Il y a une histoire de vie, il y a une histoire d'un conflit, d'un litige, d'un problème résolu qui va impliquer du papier, qui va impliquer une certaine conservation pour pouvoir dire à nos clients qui, quelquefois, nous interrogent 10 ou 15 ans après, voilà ce qui s'est passé, on vous renvoie le jugement, on vous donne les éléments. Donc, effectivement, il y a cette obligation de conserver cette histoire écrite du cabinet. Votre bureau, il est par là ? Il est par ici. Non, il est par là. Vous disiez souvent, vous avez dit, je suis le gérant de ce cabinet, donc c'est effectivement ce banc est associé. Est-ce que vous avez un rôle fédérateur et comment est-ce que vous choisissez vos collaborateurs ? Et qu'est-ce qui motive les gens de venir travailler au cabinet ce banc ? Il y a peut-être un ADN particulier, c'est que dans les intérêts qu'on défend, on a voulu choisir ce qui nous semblait relever plutôt de l'intérêt général, de l'intérêt public, c'est-à-dire de dire, au fond, les personnes privées et les moyens privés aujourd'hui, quelquefois, savent très bien s'organiser. Je pense aux grands groupes qui ont une influence quelquefois décisive sur la vie de la société. Les personnes publiques, contrairement à ce qu'on peut penser, sont souvent en position de faiblesse. Donc ce choix-là, en défendant l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire le non-marchand, ou en défendant le service public, c'est un choix de conviction. J'ai une citation de vous. « Je déteste que des personnes soient ramenées au statut de victime. Je veux en faire des citoyens qui demandent justice. » Ah oui, si vous voulez, notre système judiciaire aime bien les cadres. On est partie civile, on est accusé, il y a des mots que les gens ne comprennent pas, on est intimé, on est appelant. On a à chaque fois un statut qui est défini par la position juridique dans le procès ou dans le litige. Moi, ce que je crois, c'est que il faut toujours, en tout cas en République, ramener le sujet au fait que on est toujours en droit de demander des comptes. C'est ce que prévoit notre Constitution, notre préambule de la Constitution. Tout citoyen peut demander des comptes à l'État. Toute personne morale peut demander des comptes, une personne privée. Et donc les victimes, elles ne sont pas dans un statut où elles viennent seulement dire je suis malheureux, j'ai beaucoup souffert. Et c'est affreux, et entendez-moi pleurer, mais elles viennent dire « je demande justice ». C'est ça ce qui leur rend leur dignité, c'est qu'elles sont des citoyens dans un système judiciaire qui a été prévu, qui fonctionne plutôt mal, et elles viennent affirmer leurs droits, leurs demandes, leurs exigences. Et là, je pense que le travail de l'avocat, c'est de savoir pour les personnes qu'il défend, s'il peut pas rentrer par la porte, rentrer par la fenêtre, s'il peut pas rentrer par la fenêtre, rentrer par tout moyen, mais en tout cas, faire entendre leur voix. Mathieu Hénon, Marlène Joubier. Troisième salle d'audience, 15e chambre, sous-sol de ce tribunal de Bobigny. Salle d'audience surchauffée, au plafond des lumières très très crues. Il est 15h30. Qu'est-ce que vous avez vécu là depuis 13h que vous êtes enfermé dans cette salle d'audience ? Ce type d'audience, c'est aussi la misère humaine qui s'exprime. Vous avez des petits dossiers de travail dissimulé avec des gens qui viennent à la fois témoigner de la situation dans laquelle ils se trouvaient, des petits chefs d'entreprise qui disent combien c'est difficile d'exercer leur activité, une jeune femme qui va expliquer pourquoi est-ce qu'elle a piqué dans la caisse parce qu'elle a des problèmes financiers avec son mari. C'est ça la justice, c'est la justice du quotidien, elle s'exprime aussi comme ça. Des gens qui parlent d'eux. Et en plus, comme ce qui vient devant un tribunal correctionnel, c'est un peu le pire, entre guillemets, enfin, des choses qui peuvent arriver, des erreurs qu'on commet, des fautes qu'on commet, en parler, il y a un côté cathartique à l'audience qui est assez... C'est particulier comme ambiance. C'est particulier. Ouais, j'oubliais. Le côté rapport au temps. La patience de l'avocat est mise à l'épreuve à chaque audience. Puisqu'il est 15h30, ça fait donc 3 heures, si je m'abuse, que nous sommes arrivés au tribunal de Bobigny. Et on ignore à 15h30 si ce dossier sera retenu ou renvoyé à une date ultérieure. En fait, on a eu jusqu'à 5 minutes avant que le dossier soit appelé par le tribunal. On avait encore un des avocats de la défense qui manquait et le traducteur qui manquait. Donc on avait toutes les raisons de penser que le dossier serait renvoyé. Et puis 5 minutes après, finalement peut-être pas. Donc voilà, on va voir. Quand votre confrère est arrivé en retard à 15h, vous avez eu un aparté avec Mathieu Hénon. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On ne pouvait pas enregistrer à ce moment-là. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit qu'il était tout à fait anormal d'attendre un confrère pendant 2 heures sans même qu'il nous prévienne de ce retard. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu qu'on verrait ça à l'audience. Enfin, les termes exacts, c'est on va le tordre à l'audience. Moi, j'aimerais revenir sur le mot tordre. Est-ce que être une audience, c'est aussi un combat physique? Enfin, oui, c'est un combat, donc c'est forcément un petit peu physique. Il faut être, essentiellement faut être prêt. Non, mais il y a une dimension physique, forcément, parce qu'il faut réagir à ce qui se dit à l'audience. Il faut du coup rester concentré tout le temps. Enfin, je dis juste, oui, il y a une part de un aspect physique dans le combat, parce qu'à la fin de l'audience, on sera rincé, en fait. Non, mais l'idée, ce que je disais en parlant de tordre, c'est la contrainte, c'est tout. C'est juste de pouvoir avoir des éléments, des arguments à leur opposer. C'est juste ça. C'est pas que ça. Est-ce qu'il vous semble prêt comme vous l'êtes, vous? Bah, j'espère pas. Bon, j'ai le nom des clients, mais j'ai pas toujours la date de naissance. Bon, on mettra tout ça à jour. J'ai remis un petit peu à jour le trombinoscope. Vous prenez une robe? Ah oui, vous prenez la robe, oui. Celui-là, je suis là. C'est la trop. Didier Seban, vous avez combien de robes? 2. Une toute déchirée, comme si un client s'était jeté sur moi pour me le déchirer, et une autre, je ne vous ai pas raconté l'histoire qui m'a marqué quand on m'avait offert ma première robe, c'était le congrès du syndicat étudiant dont j'étais le responsable, dont j'étais le président. Au moment de mon départ, ils ont la gentillesse de m'offrir ma robe d'avocat. Et je me la suis fait voler dans le vestiaire des avocats. Donc, donc c'était resté une grande douleur. Puis après, je me suis acheté d'autres robes dans ma carrière professionnelle. Ça doit être la 4e ou la 5e, là. Et puis, je me fais voler ma voiture un jour. Et puis, je défendais des petits voleurs de voitures. Je leur dis, on retrouve ma voiture brûlée dans un... Et je leur dis, il y a une chose auquel je tenais beaucoup dans cette voiture, c'était ma robe, parce qu'elle m'avait été offerte et j'y tenais beaucoup. Et le type ne me répond pas. Et puis une semaine après, je retrouve ma robe dans mon vestiaire d'avocat. Donc mes petits voleurs de voiture que je défendais par ailleurs avaient peut-être volé ma voiture, mais m'avaient rendu ma robe. Mathieu Hénon, la nuit est tombée depuis longtemps et vous avez commencé ces mots dans votre plaidoirie. Je vais faire bref, la nuit est déjà là, il était 20h. Je suis pas le seul à avoir plaidé, quoi. Ouais, mais il était 20h. Et deux choses que j'ai notées dans votre plaidoirie, qui étaient brèves, succinctes. Vous avez tapé, pas du poing sur la table, mais de la pointe de la chaussure contre le sol de la salle d'audience en disant: il n'y a pas eu de proposition de relogement. Donc votre corps a appuyé cette phrase. Et à un moment, à la fin, préjudice d'image pour la ville de Saint-Denis que vous défendez. Mm-hmm. Entre comment vous avez plaidé, comment vous avez construit cette plaidoirie? L'idée de la plaidoirie, c'est de montrer que... Enfin, de légitimer, de rappeler la légitimité de la démarche de la ville. C'est montrer que ce type de dossier, au-delà de sa technique juridique, est un dossier qui concerne de l'humain et qui met en cause des pauvres gens, en fait, hein, qu'il faut garder à l'esprit, évidemment, parce que c'est pour ça qu'on est là. Et puis aussi, voilà, essayer de démontrer pourquoi et comment la ville agit au quotidien pour résorber ses problèmes, pour lutter contre ses difficultés, pour essayer de faire en sorte que ces pauvres gens ne soient pas logés dans des conditions pareilles, quoi. Préjudice d'image pour la ville de Saint-Denis, 5000 euros de dommages d'intérêt. Elsa Lopez, est-ce que vous avez été sensible à cette requête qui concluait la plaidoirie ? Oui, c'est notre principale préoccupation, c'est de montrer qu'effectivement la ville de Saint-Denis, ça n'est pas que l'habitat indigne. Et après, le travail, c'est aussi la mobilisation, surtout des victimes directes de cet habitat indigne. Là, ce qu'on voit, c'est quand même, c'est un dossier, ça fait depuis 2010 qu'on est dessus. On est en 2017. Ils ont donc le temps de toucher des loyers pendant tout ce temps. Et nous, on est un peu à chaque fois démunis. Enfin, ça prend très longtemps et ça mobilise plusieurs services. C'est long, voilà. Et même les services, elle en parlait, la procureure, ils sont quatre sur tout le département à instruire ce type de dossier au niveau de la police. Donc, c'est juste le manque de moyens. Et voilà. Dans le rôle du méchant, du marchand de sommeil, comment est-ce que vous l'avez trouvé ? Comment j'ai trouvé cette personne ? Alors déjà, on voit que c'est un marchand de sommeil d'habitude, puisque lui-même a indiqué qu'il était propriétaire, en tout cas sa société était propriétaire de plusieurs immeubles qui font également l'objet, ou qui ont fait l'objet par le passé d'arrêtés d'insalubrité. Il a été, je pense, maladroit par moment. Maintenant, il s'est défendu comme lors de l'enquête. Il est resté droit dans ses bottes. Il a essayé, il a tenté. On verra ce que le tribunal va décider, s'il a été sensible ou pas à ses déclarations. J'en suis pas certaine, mais ça ne préjuge de rien de la décision qui sera celle du tribunal. Est-ce que vous avez été surprise par les réquisitions de la procureure ? Les réquisitions sont extrêmement lourdes. 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis. Donc il reste un reliquat de peine ferme qui est de 2 ans, certes aménageable. Donc les cas portés dans un tribunal sont extrêmement rares. Donc je pense qu'il faut, non pas faire un exemple, mais en tout cas sanctionner à juste titre cette personne. Mathieu Hénon, demain, sur votre bureau, au cabinet Seban, c'est quoi la nouvelle affaire ? Ben, je ne sais pas déjà si on m'a pas déposé des choses sur mon bureau. Ce sont de nouvelles aventures à partir de demain matin, c'est clair. Enfin oui, il y a plein d'autres dossiers à partir de demain. On a aussi une cour d'assises qui s'annonce bientôt et qu'il va falloir commencer à travailler. Donc voilà. Audience en correctionnel avec Corinne Herman, Marlène Joubier, Didier Seban, Mathieu Hénon et aussi Estelle Lopez, chargée de mission à la ville de Saint-Denis. La série documentaire, mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède. Mardi 28 novembre, Marlène Joubier, vous venez de rentrer de Bobigny pour le verdict du procès en correctionnel du marchand de sommeil auquel on a assisté avec vous le 24 octobre. Et le verdict est ? Alors, le prévenu a été déclaré coupable de l'ensemble des infractions à la réglementation sur les conditions d'hygiène et de sécurité sur les logements qui étaient concernés sur la ville de Saint-Denis. Il a été condamné de manière assez lourde, puisque la peine prononcée de 30 mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'une amende de 1 500 euros... avec une peine complémentaire qui est la peine de démolition du bien immobilier qui avait été construit et transformé de manière totalement irrégulière et sans permis de construire surtout, et une remise en conformité des lieux dans un délai de 6 mois assorti d'une astreinte de 30 euros par jour de retard. Il faut savoir aussi que la ville de Saint-Denis a été reçue en sa condition de partie civile. Des dommages et intérêts lui ont été octroyés pour son préjudice moral, l'atteinte surtout à son image et à sa réputation liée à ces marchands de sommeil qui font l'objet de beaucoup d'articles de presse. Et le tribunal a prononcé des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros pour les occupants de manière identique. Les dommages et intérêts qui leur ont été alloués sont entre 1 500 euros et 5 000 euros.